1 Corinthiens chapitre 8. Pour ce qui regarde les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La science enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui regarde donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien au monde, et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car encore qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit au ciel, soit en la terre, comme il y a plusieurs dieux, et plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu, qui est le Père, duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Mais il n'y a pas en tout la même connaissance, car quelques-uns qui jusqu'à présent font conscience à cause de l'idole, de manger des choses qui ont été sacrifiées à l'idole, en mangent pourtant, c'est pourquoi leur conscience étant faible, elle en est souillée. Or la viande ne nous rend pas agréable à Dieu, car si nous mangeons, nous n'en avons rien davantage, et si nous ne mangeons point, nous n'en avons pas moins. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez, ne soit en quelque sorte en scandale aux faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, être à table au temple des idoles, la conscience de celui qui est faible, ne sera-t-elle pas induite à manger des choses sacrifiées à l'idole? Et ainsi ton frère qui est faible, pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Or, quand vous péchez ainsi contre vos frères, et que vous blessez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la viande scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de chair, pour ne point scandaliser mon frère.